Édition de janvier 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Voyons un peu ce que j'ai fait lors des derniers jours de novembre et en décembre. J'ai consacré quelques heures au projet de radio pour enfants, principalement de la préparation de contenu. Tous les jours, au moins quelques instants ont été réservés à Radio Saint-François, ne serait-ce que pour la mise à jour des rubriques quotidiennes, pour le flux des rubriques, et les feuillages des grands titres en quête des infos concernant la région, postées sur le site de la radio, sur sa page Google+, et sur Twitter. Par ailleurs, suite à notre visite au village de Noël de Lingwick, je rédigeais un article qui a été posté sur le site de la radio. Vous trouverez l'adresse dans les notes de l'émission. Pour en terminer avec les projets de radio, au début du mois, j'ai modifié et ou ajouté la radio des éditions de l'avenir sur les diverses pages des blogs offrant nos productions audio. Cette radio présente les derniers épisodes des productions en cours, ainsi que les derniers épisodes des podcasts réguliers et hors-série. J'ajouterai aussi l'adresse dans les notes de l'émission. Côté podcast, je finalisais le montage de l'émission de décembre. J'en débutais la mise en ligne le 30, que je complétais le 1er décembre. Parallèlement, je programmais et préparais ce que j'allais vous présenter dans le cadre du feuilleton lors des prochaines émissions régulières. Le 2 décembre, je révisais le script, enregistrais, éditais, montais, créais le fichier MP3, la pochette et taguais l'épisode hors série Histoire 4, dont j'effectuais la première phase de la mise en ligne le 13, complétée le 15. Le 17, je m'attelais au script de l'épisode hors série Histoire 5. J'ai travaillé sur la version audio des résumés Perry Rodden au cours du mois, dont la réalisation de la pochette pour l'épisode relatant les fascicules 110 à 119, qui fut mise en ligne sur le blog le 4 décembre. Nolinov et Anker sont amenés par des robots, malgré une tentative d'évasion. Quand le duc de fer s'approche, Cardiff Rodden se voit contraint de livrer des activateurs aux Antilles. Il regagne ensuite la nef amirale avec la D-109, et ordonne tout de suite d'attaquer le vaisseau des Antilles. Celui-ci parvient toutefois à prendre la fuite. Cardiff Rodden accuse Nolinov et Iker de trahison, affirmant que ce sont eux qui ont révélé aux Antilles le but de la corvette. Il exige que la défense solaire retrouve le vaisseau en fuite. Le fascicule allemand numéro 113, La fleur merveilleuse du Tic, écrit par Courtemar en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 49, L'homme aux deux visages, paru chez Fleuve Noir en 1980. Le grand prêtre de Baalol, Kalal, arrive sur la planète Utik. C'est un des Antilles à qui le grand Baalol, maître suprême des Antilles, a remis un activateur cellulaire. Il est suivi par une foule extatique, persuadée de voir à sa place une fleur merveilleuse. Il lui arrive d'entendre un rire énorme, sans en connaître l'origine. Il ignore que l'immortel s'amuse à ses dépens. Sur la planète se trouve Michanigan, un robot humanoïde, chargé par la section 3 de surveiller les Antilles. Il détecte l'influx mental inhabituel et le suit. L'inconnu se trouve maintenant dans le temple de Baalol. D'autres agents de la section 3 arrivent à leur tour sur Utik. Ron Landry, Larry Rundle et Lofty Patterson. Landry et Hannigan se dirigent vers le temple, assiégés par une foule fascinée par la fleur merveilleuse. En montrant son insigne avec priorité absolue, Landry arrive à passer le cordon policier. Il est soudain pris par l'effet hypnotique. Des inconnus surgissent et les attaquent. Hannigan est, cependant, plus fort qu'eux et parvient à faire 5 prisonniers. Landry et Hannigan les interrogent, mais n'en tirent rien. De son côté, Merchant informe Atlan qui déploie une flotte pour faire le blocus du Tic sans prévenir Rodden Cardiff. Kalal n'arrive plus à enlever l'activateur qui s'est logé dans la région du cœur et assume maintenant une partie des fonctions circulatoires. Le 9 décembre, cet épisode des résumés Perry Rodden, relatant les fascicules 110 à 119, fut placé sur Audiocité. Le 16, j'entamais le script des épisodes 120 à 129, et le 29 décembre, je m'attaquais à la planification de la post-production. Planification pas tout à fait terminée à ce moment-ci. J'ai également consacré du temps au PC Show avec Paul Courtemèche, principalement de la révision du montage de l'épisode 18 et des scripts des épisodes suivants. La rédaction de l'épisode double 22-23 fut complétée le 5 décembre. Le 9, j'ai ajouté une scène à l'épisode 19. La mise en ligne de l'épisode 18, Tibinou qui veut des Tibinous, fut effectuée sur le blog et sur Audiocité le 18 décembre. C'était Innocent Love Song de Christian Martin, interprété par Kael. Et maintenant, une page de pub. Vous dormez mal? Que d'un œil? Impossible pour vous de sommeiller sur vos deux oreilles? Tous les matins, vous vous levez courbaturé et bougon? Réjouissez-vous, nous avons la solution! RIP est là pour vous! RIP, un système infaillible vous garantissant des nuits d'un sommeil profond et pleinement réparateur, combine les bienfaits d'un matelas d'os de phoque immergé dans l'huile de krill, particulièrement étudié en laboratoire, pour assurer un repos éternel, ainsi qu'un ensemble de patchs nasales d'un confort absolu, dont l'effet calmant se répandra rapidement dans les ondes du sommeil de votre cerveau. Fini les nuits blanches à fixer le plafond de la chambre. Fini les journées à vous traîner les pieds. Avec RIP, vous pourrez enfin crier de bon matin en hissant fièrement le drapeau de la fierté. J'ai dormi! Contre-indiqué en cas de psoriasis, d'incontinence urinaire, d'asthme, d'emphysème, d'apnée du sommeil, d'embolie pulmonaire, de trypanosomiase africaine, de narcolepsie, de dysomnie, d'arythmie, de tachycardie et d'insomnie chronique. Il y aurait moins de contre-indications pour un solide coup de massue sur le caillou. Tiens, Madame Coudon. Oui, c'est moi, en effet. Vous êtes seul, Monsieur Courtemèche? Outre Picard et sa progéniture, oui. Ça? Oui, sa progéniture. Mais... Des minets sevrés, la voisine du dessus a décidé que leur éducation revenait à leur père. Votre chat? Ouais, mon chat. Vous ne voudriez pas les adopter, par exemple? Oh, certes non, quelle horreur! Vous ne connaîtriez pas non plus quelqu'un qui serait intéressé à... Non. Ouais, ben, je m'en doutais. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Une cause primordiale. Mais encore? Imaginez-vous, Monsieur Courtemèche, que notre camelot favori... Pit? Pardon? Je disais, Pit? Qu'est-ce qu'un Pit? Mais enfin, c'est le nom de camelot? Qu'est-ce que vous me racontez là? Notre camelot s'appelle Pierre-Ignace Templier de la Besace. Bref, Pit, pour faire court. Un pseudonyme? Ah non, un acronyme plutôt. Pierre-Ignace Templier. Pit. Oh, comment osez-vous? Ce pauvre petit être tout chétif. Ah, il est plutôt costaud. Je voulais dire du ciboulot. Oui, ça je vous l'accorde. Ce n'est pourtant pas la première fois que vous l'entendez désigner sous ce nom de Pit, Madame Coudon. Comment? Ah non? Lorsque nous avons présenté notre pièce de théâtre, Paulette et Rodéo, j'ai pas cessé de l'appeler ainsi. D'ailleurs, je l'appelle toujours ainsi. C'est le nom qu'il préfère, vous savez. Vous m'en direz tant. Je vous assure. J'en suis toute baba. Les 6, 7 et 8 décembre, je me suis penché sur la médaille de Sainte-Anne, tirée des contes du pays gallo, qui fut mise en ligne le 1er janvier. Le voyage à Sainte-Anne se fit sans encombre. Le temps était doux, et la campagne superbe, aussi, Annette et sa mère se sentaient-elles renaître à la vie. Hélas, n'en fut pas de même au retour. Une violente tempête se déchaîna subitement, une pluie torrentielle fondit sur les voyageurs et remplit d'eau les ornières du chemin. Madame de Cylandais, craignant pour la santé de sa chère enfant, voulait à tout prix trouver un abri. Mais le conducteur, mal renseigné, ne savait plus où il était. La pluie tombait toujours et la nuit recouvrait déjà la terre de son voile sombre. Arrivés sur le haut de Nokoto, ils aperçurent enfin, dans la vallée, une lumière tremblotante et, 5 minutes après, ils frappaient à la porte d'une maison de chétive apparence. Un petit vieillard borgne, boiteux, d'une figure hideuse, vint leur ouvrir. J'aime mieux être mouillé que de rester ici, dit Annette en se pressant contre sa mère. Cet homme me fait peur. La pauvre dame, peu rassurée elle-même, mais ne voulant pas continuer sa route par un temps pareil, répondit à sa fille. Si cet homme est laid, il n'en est pas moins un honnête homme probablement. Il serait déraisonnable, pour un motif aussi futile, de s'exposer à tomber malade. Sous une grossière enveloppe, souvent, se cache un noble cœur. Annette n'entra qu'avec hésitation. Un sourire méchant effleurait les lèvres de cet homme, sa politesse affectée fatiguait. Le seul œil qui lui resta brillait dans son orbite et des cheveux, presque fauves, d'une longueur démesurée, cachaient en partie son ignoble visage. Pourriez-vous me donner une chambre et un lit pour passer la nuit? Peut-être bien. Il y a là, au-dessus de nous, un sénat destiné aux rares voyageurs qui descendent à l'auberge du père Coup de Loup. On n'y a pas toutes ces aises, mais vu ma misère... Dès le 7 décembre, je commençais à travailler sur la page 1 de l'édition du 29 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Script, préparation de la post-production, édition de l'enregistrement effectué plus tôt, montage. Le 11 décembre, je mettais en ligne la page 8 de l'édition du 22 septembre 1883. C'est en voie de formation au sein de ce canton, qui est peuplé presque exclusivement de Canadiens français. Il y a environ 75 familles catholiques. Monsieur Étienne Gibault, riche cultivateur de l'endroit, a donné un beau grand terrain pour y construire la nouvelle église. La paroisse aura son curé résident dans une couple de semaines. C'est Monsieur l'abbé Gendron, actuellement vicaire à Saint-Benoît-de-Rufford, qui a été choisi comme pasteur. On est à terminer les travaux de construction du nouveau presbytère. Le père de ce jeune prêtre, Monsieur Louis Gendron, de Whedon, doit aller habiter avec son fils. La semaine dernière, M. W. Sawyer, député du comté de Compton, est passé ici dans le but de faire mousser un projet de chemin de fer. Il s'agit d'un embranchement qui s'étendrait de Canaan, Vermont, jusqu'à Courchir. Une assemblée des citoyens a été tenue à ce propos et M. Sawyer a expliqué la nature de l'entreprise. Gelée a causé beaucoup de dommages, ici et dans les environs, surtout aux sarrasins. Les pommes de terre sont assez abondantes. On n'entend point dire qu'elles pourrissent. Waterloo. Monsieur J.A. Simard, avocat, a acheté la maison d'habitation de Monsieur François-Xavier Girard, aussi avocat. On dit que ce dernier va tenter fortune ailleurs. Le bruit court qu'il va s'établir à Sherbrooke. Monsieur Raphaël Fontaine, fils de Monsieur R.E. Fontaine, avocat à Saint-Hyacinthe, qui étudiait le droit chez M. J. Pénois, est retourné dans sa ville natale, où il va suivre l'étude de son père.

qui sera disponible pour le moment uniquement auprès de moi pour 10 $95 canadiens plus transport. Je devrais recevoir les exemplaires au cours des prochains jours. Quand ce sera fait, je l'annoncerai via mon blog. On nous a écrit. D'abord, André Bory, le 21 décembre, qui dit, suite à la publication du relevé des téléchargements, « Décidément, grâce à toi, Christian, Mazas commence à avoir une renommée mondiale. » Le lendemain, je recevais des nouvelles de Corvo via le livre d'or d'Audiocité. « Cher Christian, cela fait une éternité que je ne vous ai pas écrit. Je profite des vacances pour le faire. » « Cher Corvo, très heureux de vous lire. Tout d'abord, bravo pour en avoir terminé avec le 5e volume du Progrès. Je viens de télécharger le 18e PC Show au moment où j'écris. Pas mal, le podcast de décembre. Donner un avant-goût des programmes ultérieurs était une bonne idée. Une fois de plus, merci pour les mots d'encouragement. Youpi! Les confidences d'un joueur de clarinette sont enfin terminées. Je n'ai pas encore fini d'écoute, mais ce que j'en ai écouté valait le coup d'attendre. Ah! Vous me l'apprenez. Ezwa a finalement réussi à mettre en ligne ce vieux joueur de clarinette. Pendant un moment, je doutais qu'il voie le jour. À propos de patience, je tiens à vous remercier, ainsi que M. Bory, pour m'avoir donné un avant-goût de l'improbable alliance. Ça me donne plus de motivation pour attendre sa publication. Audiobook ou e-book, comptez sur moi pour lire cette aventure. Je vous souhaite un très joyeux Noël ainsi qu'à toute l'équipe des éditions. Au fait, avez-vous prévu quelque chose de spécial pour Noël? Je parierais pour la dernière partie de la relation du père Billard. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. La dernière partie de la relation du père Billard est en effet prévue pour le 25. Il ne s'agit pas vraiment de quelque chose de spécial, mais ce sera tout de même chouette de boucler ce premier volet des relations des Jésuites. Recevez également tous mes vœux de bonheur, de santé, de succès. Ça se passe bien, les études? Pour les fêtes de fin d'année et l'année à venir. Avec mes plus sincères amitiés, Corvo. Place à l'anecdote d'Aristide Filiatro. Tirée de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'Avenir présentent à Québec. On a signalé à la Société protectrice des animaux un abus qui nous intéresse tous. Un individu est surpris par un membre de la société, frappant sans pitié une pauvre race. Pourquoi battez-vous cette bête? Pour l'amener plus vite au port où l'attend le bateau de Montréal. Qu'en fera-t-on à Montréal? De l'extrait de bœuf. Jean-Seb est au rendez-vous avec une mauvaise nouvelle. Bonjour tout le monde, ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir, bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Joyeux Noël, bonne année, j'espère que l'année 2015 vous fera péter votre bande passante par l'écoute d'audio en tout genre. Je débute ma capsule par une nouvelle qui a frappé de plein fouet l'univers du podcasting au Québec. Je veux parler de l'arrêt des activités de la plateforme d'hébergement et de diffusion de podcasts connue sous le nom de Balado Québec, qui hébergeait entre autres, je consulte la liste du site, 3 bières, Alpha 42, Entre les cases, Facteur Geek, L'épée légendaire, La soirée du podcast, Le best podcast ever, Podcast Witches, Le podcast des jumeaux techno, Le shower, Le stream, Lobe frontal, Parlons balado, bien sûr. Sur la terrasse, HM Seb, la jasette et le shower, j'en saute tout plein, mais c'est juste pour vous dire comment le choc est quand même énorme dans la communauté. On se retrouve tout seul face à nous-mêmes. Nous devons nous retrouver une façon de pouvoir nous publier autant que possible, à un coût assez bas, si possible, voire même gratuit. Ainsi, en date du 21 décembre, nous avons reçu une lettre de la part de Daniel Labelle de Balado Québec, nous annonçant qu'il devait fermer le site. La date de fermeture est prévue pour le 1er février 2015. Suite à de nouvelles exigences de Apple pour sa plateforme iTunes et la distribution des podcasts. Selon mes recherches, il semblerait que d'autres hébergeurs soient aussi inquiets face à ces exigences de iTunes, mais attendent de voir, à ce que j'en comprends, s'ils réussiront à trouver une solution. L'origine du problème, en l'occurrence, serait que Apple voudrait exiger du download en rangée ou par bloc. Ce qui veut dire que quand on veut écouter une émission, on télécharge une partie seulement du fichier audio. Puis, lorsqu'on a presque terminé d'écouter ce segment, iTunes génère une nouvelle requête pour nous faire parvenir un autre segment, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'écoute du fichier. Les fournisseurs Internet standards bloquent ce genre de streaming, donc il faudrait transférer les MP3 sur une autre plateforme adaptée à ce procédé-là. Je comprends un peu l'intérêt d'iTunes de travailler comme ça, mais je comprends pas tout à fait, parce qu'actuellement, pour commencer à écouter 15 secondes juste pour voir de quoi a l'air un épisode, c'est tout le fichier qui est téléchargé. À la quantité de monde qu'il y a là-dessus, ça demande des bandes passantes de cochons afin de satisfaire à toutes les requêtes. Là où ils veulent en venir, c'est que les fichiers arrivent en pseudo-streaming. Le problème pour les fournisseurs, c'est qu'ils seront alors assaillis de plusieurs requêtes pour chacun des paquets d'un même fichier. La partie que je comprends pas, c'est que de toute façon, iTunes n'y est pas pris avec ce problème-là, c'est pas lui qui gère la bande passante, il ne fait que générer des requêtes. Mais enfin, bref, il faut trouver une alternative, petit entrefilet sur Hello, et c'est fantastique les suggestions que j'ai. Il a été question de Mixcloud suggéré par Zeb Machine. Petite parenthèse ici, allez écouter ses productions musicales, j'ai été vraiment subjugué. soundcloud.com/zebmachine. Je vous en reparlerai assurément. Il y a aussi Soundcloud qui m'a été suggéré par Michel Mot, Michel Monette. Autre petite parenthèse ici aussi, Michel Monette parle dans un micro tous les dimanches à 3h de l'après-midi au poste CKRL 89.1 à Québec. De plus, elle est présidente du conseil d'administration de la station de radio. CKRL étant la plus ancienne radio communautaire d'expression francophone, et Michel y présente pendant une heure une émission riche en musique, peu connue, voire méconnue, parce qu'elle privilégie en grande partie des musiques qui sont en langue autre que le français ou l'anglais. Dans un monde où le métissage des genres est de plus en plus la norme, ouvrez vos oreilles au plaisir d'entendre ce qu'il se crée ailleurs. Michel a une voix grave, douce, posée. Chaque œuvre qu'elle diffuse est le fruit d'une recherche très intensive. En ce qui me concerne, c'est vraiment une très belle découverte que j'ai faite grâce à Hello. Pour plus d'informations, allez voir sur le site de ckrl.qc.ca Les oreilles ailleurs. Entre-temps, sur Twitter, j'ai vu, en placotant avec J.S. Chapelot et Alpha 42, Podcast Garden qui semble une solution assez intéressante, gratuite. À mon point de vue, ça ressemble beaucoup à ce qu'offrait Balado Québec. Sinon, en revenant sur Hello, il y a Lolo Bobo, Hello Hello B.O. B.O., un pilier du temple de Hello, qui a suggéré une solution, ma foi, fantastique. Il serait possible d'utiliser les outils de Google pour héberger gratuitement un podcast. Ça semble vraiment fantastique. Pour ce faire, il suggère d'utiliser Blogspot, Google Drive et FeedBurner. De base, vous créez un email avec Google, vous avez toute la panoplie de Google, Google Plus, Google Drive. Google Drive offre 15 gigs de fichiers dans le cloud que vous pouvez mettre et vous pouvez les partager. Blogueur permet de créer des blogs et des flux XML. Et FeedBurner, ben, pour brûler le lien RSS. J'ai fait un petit calcul rapide. 15 gigs, ça permettrait de storer autour de 300 heures d'émission. On s'entend-tu que ça fait un beau podcast quand même? Fait que c'est ça. J'ai jusqu'au mois de février pour me décider quelle plateforme que je vais utiliser pour pouvoir continuer à faire du podcasting. Voilà qui complète l'ensemble des notes que j'avais prises et les petits entrefilets que je voulais passer avec vous. Vous transmettre les informations que je connaissais, vous demander votre aide, vos suggestions. De toute façon, je vais donner tous les liens nécessaires à Christian Martin en espérant que cette mauvaise nouvelle ne soit pas de mauvais augure pour 2015. Je vous invite à rentrer en contact avec moi si vous avez d'autres idées, si vous avez des suggestions à me faire, des commentaires sur ce qui se passe, sur ce qu'on peut faire pour les podcasteurs. EpicureAudio@gmail.com. Epicure Audio, c'est bon aussi sur Facebook, Twitter, Hello. Fait que ça va me faire plaisir de trouver des solutions avec vous autres, grâce à vous autres, pour vous autres. D'ici le mois prochain, je tâcherai de vous trouver des bonnes nouvelles en audio, oui. Portez-vous bien, faites-vous porter par les autres au besoin. Bonne année, à vous, les studios. Merci Jean-Seb, j'espère que les choses s'arrangeront rapidement. Bonne année à toi et au tien. On débute aujourd'hui, dans le cadre du feuilleton, notre version de « Le mystère de la chambre jaune », un roman policier de Gaston Leroux que j'ai réalisé avec Fred, K00, KL et Stanley il y a 3 ou 4 ans. Accrochez-vous, c'est le début d'un marathon. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 1er, où l'on commence à ne pas comprendre. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Celui-ci, jusqu'à ce jour, s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de ne publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces 15 dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la Chambre jaune, génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames, et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé, si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Rouletabille eût voulu savoir, me disait-il, oublié pour toujours. La chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre il y a une quinzaine d'années? On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Neve et la tragique histoire de la mort du petit Ménaldo? Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats qu'une crise ministérielle qui éclata sur ces entrefaites passa complètement inaperçue. Or, le procès de la Chambre jaune, qui précéda l'affaire de Neve de quelques années, eut plus de retentissement encore.